Bonsoir à tous et à toutes, chers fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici son articulation. Le parti Iprona rassure les signataires de la récente correspondance et réclamant le départ du président de cette formation politique qu'ils ne seront pas rayés de ce parti. Cela ressort d'une réunion de la direction de ce parti de ce dimanche, vous l'entendrez. Le Conseil national de sécurité recommande la distinction entre les occupants réguliers et des irréguliers de l'espace de la station d'épuration de Wouterere avant leur expulsion. Vous entendrez le général-major Silas Nguligwa, le secrétaire permanent de ce conseil. Les abandons scolaires restent élevés à Rumonge, au sud-ouest du pays. Le secrétaire à la direction communale de l'enseignement dans cette localité demande l'intervention de tous les acteurs concernés. Voilà pour les titres. Eli Kadog assure la mise en œuvre de cette édition. Moïse Misago est à la présentation. Nous vous disons bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons cette édition par la page politique. La direction du parti Iprona ne compte pas rayer de la liste de ses membres les signataires de la récente correspondance qui demandait la démission du président de ce parti. Abel Gachassi, président de ce parti, l'a déclaré ce dimanche après la réunion des responsables provinciaux et qui a vu la participation du premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, issu de cette formation politique. Il rassure qu'il n'a pas de scission qui sont en train de naître au sein de cette formation politique. On l'écoute. C'est un message plein de conseils d'éviter que les dirigeants du parti Iprona à travers tout le pays soient manipulés ou trompés par ces gens qui veulent saboter ou déstabiliser le parti Iprona et surtout de les inciter, les demander à se préparer à temps aux élections de 2020. Au niveau du parti, il y a une récente correspondance et les signataires de cette correspondance n'étaient pas présents. Oui, les signataires de cette correspondance n'étaient pas présents car les dirigeants du parti Iprona dans les provinces, ils ont demandé à la direction du parti Iprona de prendre des sanctions à ces gens-là. Mais en ce qui nous concerne, nous avons pris acte de cette demande de ces gens-là. Mais quand même, ces gens-là n'étaient pas invités car ils ont pris l'autre chemin différent d'un chemin que nous sommes en train de poursuivre. Ils ont voulu chasser le président du parti Iprona, mais le président du parti Iprona reste toujours moi-même. Est-ce qu'on peut s'attendre à tout moment qu'il soit rayé de la liste des membres du parti Iprona? On n'est pas en train d'envisager de les rayer sur la liste des partis Iprona, mais pour le moment, comme les leaders du parti Iprona de notre pays, ils ont demandé la suspension de ces gens-là dans les activités du parti Iprona. Ils se sont suspendus eux-mêmes. Quand même, nous allons interroger les textes qui régissent le parti Iprona. Mais ils peuvent même demander pardon, on est là pour recevoir tout le monde. On est dans la phase de rassembler les Vadasigana. Il reste très peu de temps avant les élections 2020. Est-ce qu'on ne peut pas craindre une autre scission au niveau du parti Iprona? Au sein du parti Iprona, on est calme, on n'entend pas de scission. Le parti Iprona, c'est un parti renforcé. Il n'y a pas aucun problème. Abel Gachassi, il est le président du parti Iprona. Il était au micro de Elinibel Nibigira. Le Conseil national de sécurité exige la différenciation des réguliers et des irréguliers des occupants de l'espace de la station d'épuration de Buterere avant leur expulsion. Dans un communiqué lu par le secrétaire permanent de ce conseil ce samedi, ce conseil se dit satisfait du pas franchi dans la réhabilitation de cette station. Le secrétaire permanent de ce conseil général-major Silas Nguirigwa recommande que les administratifs qui ont distribué ces parcelles soient traduites en justice. On l'écoute. Concernant la réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées de Buterere, le Conseil national de sécurité se réjouit du travail déjà accompli. Il profite de cette occasion pour demander aux différents ministères en charge de cette question qu'avant l'expulsion des occupants dans le 10 permètres de cette station, qu'il s'avère indispensable de différencier ceux qui sont réguliers des irréguliers et qui sont en possession des documents administratifs en règle et avec la loi et ceux qui n'en ont pas afin de trouver les solutions cas par cas. S'agissant des autorités qui ont attribué ces parcelles, tout en sachant qu'elles se trouvent dans le périmètre de la dite station d'épuration et que par conséquent interdit pour y ériger des maisons pour habitation, le Conseil national de sécurité recommande que ces personnes soient arrêtées et traduites en justice. Ce conseil se réjouit du nombre des organisations internationales qui sont déjà enregistrées de nouveau afin de se conformer à la loi régissant les ONG au Burundi. Il en appelle d'autres pour emboîter le pas. Encore une fois, général-major Silas Nguirigwa, il est secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Concernant la recommandation adressée aux organisations internationales non gouvernementales étrangères, leur demanda de se conformer à la loi et aux textes qui les régissent, le Conseil national de sécurité se réjouit du nombre important des organisations non gouvernementales à raison de 84 qui se sont déjà réenregistrées et recommande celles qui ne l'ont pas encore fait de s'exécuter dans les meilleurs délais. Nous devons ces éléments sonores à nos confrères de la radio nationale. Page sécurité à présent, une tête d'un homme décapité a été retrouvée ce matin dans le quartier Tcharama, et de la zone Kinama, à mairie de Bujumbura, près de la station de captage de l'eau en cours de construction. La police signale que cet homme décapité n'a pas été identifié et que les enquêtes ont déjà commencé. Toujours page sécurité, un homme de l'Organisation internationale pour les migrations a été retrouvé mort dans sa chambre au quartier Kinandira 3 le matin de ce dimanche. Soro Patrick Samuel Gonda était âgé de 35 ans et était de nationalité sud-soudanaise selon les informations fournies par la police. Celle-ci indique toujours que les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature de sa mort. Son corps a été acheminé à la morgue de l'hôpital Kira Hospital. La radio de l'avenir. Page éducation à présent, l'effectif des abandons scolaires est resté élevé en commune et province Rumonge ces deux dernières années scolaires. Le secrétaire de direction à la direction communale de l'éducation, de la formation technique et professionnelle à Rumonge a fourni ces statistiques lors d'un débat organisé par l'association IAGA ce samedi à Rumonge. Il demande à tous les intervenants dans ce secteur d'agir, n'est-ce pas Jean-Pierre Misago? Selon Dieudonné Nyiranyibagira, secrétaire à la direction communale de l'éducation, de la formation technique et professionnelle de Rumonge, 3995 abandons scolaires ont été relevés au cours de l'année scolaire 2016-2017. Au cours de l'année suivante, 4205 abandons scolaires ont été enregistrés dans cette direction communale. Selon lui, les jeunes diplômés sans emploi et les grossesses non désirées, auxquelles il ajoute la pauvreté qui se vit dans plusieurs ménages, sont les principales causes de ces abandons. Pour la coalition Bafashevige Antenne Rumonge, il faut ajouter l'orientation des élèves dans des sections inadaptées à leurs capacités intellectuelles. Pour Nyandwi Anise, directeur du lycée communal Mitono, Même les parents d'élèves ont failli à leur mission. De son côté, Innocent Nyonizigiye, représentant provincial du Forum des jeunes à Rumonge, dit que certains enseignants qui malmènent ou découragent leurs élèves contribuent à gonfler l'effectif des abandons scolaires. Les participants dans le débat organisé par Yaga Burundi à Rumonge ce samedi voudraient que l'administration, les parents, les enseignants, les associations œuvrant dans la protection des enfants et les élèves eux-mêmes conjuguent leurs efforts afin d'inverser la tendance. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Toujours page éducation, plus de 100 filles ont abandonné l'école au cours de ce premier trimestre en commune Gihanga de la province Bubanza. Certaines d'entre elles sont victimes de grossesses non désirées, selon la directrice communale de l'enseignement. C'est dans ce cadre que la population de cette commune est bénéficiaire de la formation organisée par l'association de Shirahamwe en collaboration avec Redia. Se sont engagés ce samedi de tout faire pour diminuer ces cas, n'est-ce pas, Spescartas Kabanyana? Environ 150 filles ont abandonné l'école en commune Gihanga au cours du premier trimestre de cette année scolaire. Et parmi ces filles, certaines sont victimes de grossesses non désirées, selon la directrice communale de l'enseignement. Ainsi, Lenise Guimana a fait savoir que le total des abandons au premier trimestre de cette année en cours est de 512 élèves. Les filles sont peu nombreuses, comme elle le signale. Elle ajoute que les grossesses à l'école ont sensiblement diminué par rapport aux années passées. Ce qui n'est pas du tout confirmé par les parents qui voient plutôt que les grossesses chez les jeunes filles est l'un des problèmes qui hante la commune Gihanga. Ils l'ont dit ce samedi après des réunions de renforcement des capacités, des réunions qui ont été organisées par l'association Tushirehamwe en collaboration avec Leja, avec l'appui financier de Search for Common Ground. Les bénéficiaires de cette formation, des femmes, des jeunes filles et garçons, ont alors promis qu'ils vont tout faire pour diminuer et même en finir avec les grossesses chez les jeunes filles. Après avoir énuméré tant de problèmes qui handicapent la vie de la commune, Hatungimana Kassild, l'une des formateurs et vice-présidente de l'association Dushirehamwe au niveau national, a appelé les bénéficiaires de la formation à essayer de résoudre ces problèmes eux-mêmes pour un développement et une paix durable. Spescaritas Kabanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Merci Spescaritas Kabanyana. Quittons Bubanza vers Ngozi au nord du pays où les habitants de la colline Gatchekeri tout près du chef-lieu de la province Ngozi éprouvent d'énormes difficultés d'avoir de l'eau. Celle qu'ils utilisaient qui était amenée par le CICR n'a duré que le temps de l'arroser, indiquent ses habitants. Le responsable de la régie communale de l'eau en Ngozi dit être au courant de cette situation et compte en parler avec la régie des eaux, n'est-ce pas Apollinaire Muzagara? Ces habitants de Gakecheri indiquent qu'ils puisent l'eau dans les marais se trouvant à 5 km voire plus sur une forte pente. En plus de l'eau offerte par le CICR, ils croyaient qu'ils allaient aussi profiter de l'addiction d'eau de la ville d'Ongozi faite par la société Sojia Satom, Mesanv. Ils disent être oubliés alors qu'il y a un centre de santé de Gakecheri qui héberge même des passes. À propos de l'eau du CCR, le responsable de la régie communale de l'eau en Ngozi indique qu'après avoir rempli les réservoirs d'eau construits à Gakecheri, la régie des eaux a réalimenté la ville de Ngozi et dès lors, l'eau a cessé de monter de la ville de Ngozi vers Gakecheri. Cette haute colline surplombe le chef-lieu de la province, d'où cette coupure. Explique Egide Niziguiman. Son responsable de la régie communale dit néanmoins qu'il compte en parler à la régie des eaux pour que, aussitôt alimenter la colline Buhiga environnante, on puisse continuer jusqu'à Gakecheri. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Sanganir. Merci Apollinaire Muzaga. Et pour boucler cette édition page sportive, 10 jeunes athlètes composés de filles et garçons représentant la région Sud ont été présélectionnés après la compétition organisée ce dimanche au stade de la province Makamba par la Fédération Nationale d'Athlétisme. Samuel Niyuba, oui, organisateur de cette compétition cross-country, dit que c'est dans le but de se préparer à la compétition mondiale qui se déroulera au Danemark en mars de cette année après la compétition nationale prochaine. Manera Kizateris, président de cette fédération dans cette région, demande aux athlètes de rester toujours disciplinés en tout et partout et de ne pas abandonner leurs études. Tous ces athlètes présélectionnés sont originaires de la province Bururi. Et voilà, chers auditeurs, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Elika Dogo qui était à la cabine technique. Passez une excellente soirée chez vous. Au revoir.